From GTTS Import GTTS. Annexe du livre 1, Ousmane Sonko au portrait d'un leader. 1. Chronologie détaillée, 1974-2025, astérisque astérisque. Astérisque les dates clés de la vie et de la carrière d'Ousmane Sonko, avec un focus sur les événements politiques majeurs. Chronologie d'Ousmane Sonko, 1974-2025. Astérisque astérisque date astérisque astérisque astérisque astérisque événement astérisque astérisque astérisque astérisque contexte impact astérisque astérisque. Livre-bas titre égal livre 1, Ousmane Sonko au portrait d'un leader. Dièse remplace le texte entre les partes écrits de Claude. Chapitre égal. Prologue, tout commence le 15 juillet 1974 à Thiès. Ousmane Sonko naît à la croisée des chemins, entre un père casamançais et une mère du Baol. Très tôt, il apprend que la politique a un prix, son père est radié deux fois pour ses opinions. C'est ici, dans cette résistance familiale, que se forge le caractère de l'homme. Chapitre 1, colle le texte du chapitre 1 ici. Chapitre 2, colle le texte du chapitre 2 ici. Dièse génération automatique. Print, F lancement de la conversion pour, livre-bas titre. Fort titre, contenu in chapitre.item. Dièse nettoyage rapide, enlever les espaces inutiles. Texte-bas propre égale contenu.strip. If texte-bas propre. Nom-bas fichier égale F livre-bas titre titre.mp3. TTS égale GTTS, texte égale texte-bas propre, line égale FR. TTS.save, nom-bas fichier. Print, F coche épaisse blanche, nom-bas fichier est prêt. Print, N opération terminée.